Le développement personnel a du succès. Il cuisine, il écrit des romans. Il s'occupe des enfants. Il facilite, fluidifie, il détache. Il énonce clairement ce qu'il conçoit. Il range sa chambre comme nos cerveaux. Il a le pouvoir du moment présent. Il surmonte les chagrins, il s'exerce, se forge un mental. Il invite à dépasser les versions limitées, limitantes du monde. Il accompagne le psychisme bodybuildé qui veut prolonger son optimisation. Mais la poésie, elle, sait regarder le monde comme s'il était une fleur. La poésie n'aime pas les méthodes, sauf quand elle se déguise en problème. Le développement personnel, lui, veut regarder la fleur comme si elle était le monde. La poésie rappelle le fait qu'une fleur est une fleur est une fleur est une fleur. Elle n'a pas dit son dernier mot. Elle manie des principes d'incertitude sans toujours savoir lesquels. Elle fait comme si chaque mot était le dernier. Bonsoir, merci de me donner la parole. Voilà, j'imagine que vous avez déjà eu affaire à ce genre de situation. Je résume, je suis poète, un peu comme vous, et j'ai un ami, quelqu'un que j'aime beaucoup, qui m'a fait lire un de ses poèmes que je trouve très mauvais. J'ai essayé de rien dire, j'ai même disparu quelque temps, mais il n'arrête pas de me relancer, et du coup je me demande qu'est-ce que je peux faire dans ce cas. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire à un ami qui nous fait lire son poème qu'on trouve nul ? Merci. Alors, d'abord, positiver la situation. Les demandes de retour sont avant tout des occasions de poésie, surtout que les retours sur les mauvais poèmes sont assez souvent de meilleurs retours que ceux qu'on tente de faire sur les bons. Reste à savoir si, pour renforcer nos amitiés, il est préférable de faire de bons retours sur un mauvais poème ou de mauvais retours sur un bon poème. Oui, c'est vrai qu'on connaît d'assez bons poètes qui, paraît-il, s'efforceraient d'écrire parfois un ou deux mauvais poèmes pour vérifier qu'ils ont de bons amis. Et on connaît aussi de très bons amis qui misent tout sur leur retour pour montrer qu'ils ne sont pas d'aussi mauvais poètes que ceux dont ils ont l'air. Si bien qu'il se passe à peu près toujours la même chose que nous allons tenter de vous résumer. Il était une fois quelqu'un qui donna son poème à quelqu'un d'autre, qui donc n'était pas loin de la première personne, sans pour autant être prête à l'entendre, bien qu'elle aurait pu le souhaiter si elle y avait pensé à temps, et qu'elle aurait été capable de se le dire au point de le souhaiter suffisamment tôt pour s'entendre dire « Il est intéressant que tu me lises, même s'il est possible qu'il soit impossible de comprendre exactement ce que j'ai voulu écrire. Si je ne suis pas arrivé à exprimer tout ce que je pensais, c'est parce que je compte sur toi pour arriver à lire ce que je n'ai pas écrit. Tu es quelqu'un dont j'ose croire que je ne suis pas pour rien dans le fait que tu sauras te reconnaître dans le poème. Partant, je n'ai jamais écrit que pour te permettre de me dire ce que tu ne comprends pas dans ce que j'ai écrit à l'écart de ce que j'ai voulu que tu puisses y lire. C'est pour ça que j'ai toujours aimé tes retours. » Voilà, les deux bons poètes s'échangèrent de bien belles paroles, ainsi de suite jusqu'à ce que la suite des beaux poèmes les fatiguèrent. Ainsi de suite, jusqu'à ce que les deux mêmes personnes s'échangèrent contre deux autres bien belles personnes. On croit parfois que si les saumons remontent à contre-courant des rythmes et des cours des fleuves, c'est pour rejoindre la source où ils sont nés. Mais on oublie ce que le rebours permet d'errance ou de surplace très relatif. Si par exemple, pour se détourner d'autres raccourcis, un saumon sortait de l'eau, que se passerait-il ? D'abord, il chercherait sûrement une flaque d'eau pour barboter. Il parcourrait la flaque dans tous les sens et peu à peu, à force de se frotter le ventre sur les cailloux qui entourent son trou, il se verrait pousser des pattes, des griffes, des poils et même des abajoues. Il en profiterait alors pour rêvasser à l'air libre à la manière du petit hamster qu'il serait en train de devenir et qui, comme tout hamster, passe sa vie à démontrer sur terre que le saumon ne remonte à aucune source mais qu'il boucle sa nage pour le plaisir de persévérer dans sa roue aquatique. Par ce curieux processus d'altérification, le saumon se trouve petit à petit incarné le point de vue du hamster qu'il lui fallait devenir pour se voir comme un saumon qui tourne sur lui-même. D'ailleurs, une étude réalisée en 1987 montre que les vieux chiens qu'on abandonne à 600 km de chez eux et qui reviennent ont des regrets plus profonds d'avoir été abandonné ou d'être revenu, que les chiens abandonnés plus jeunes ou beaucoup moins loin. On peut pourtant supposer que ces derniers devaient encaisser un désamour plus prononcé pour être largués si jeunes et si près, ce que l'on peut toujours interpréter comme une marque de mépris supplémentaire, en tant que cela induit une dépréciation de la capacité du chien à potentiellement retrouver son chemin. Sur la base de cette hypothèse, on peut tirer la règle suivante: plus un chien est abandonné tard et loin, plus il est aimé, ou l'aura été assez longtemps. Les regrets plus profonds des vieux chiens sont proportionnels à la durée du ressassement induit par la longueur du chemin retour et leur maturité psychologique. D'autant qu'on ne compte jamais les chiens qui n'ont pu éprouver le moindre regret parce qu'ils sont morts sur le chemin du retour ou en se baladant. Et on ne compte pas non plus ceux qui, jeunes mais belliqueux, indépendants ou vexés, ne reviennent surtout pas, ou encore ceux qui attendent d'avoir assez de regrets et d'être beaucoup trop vieux pour revenir. Parfait, bon bah maintenant qu'on a résolu le premier problème, on va prendre un deuxième problème. Bonsoir, merci de prendre mon problème. Alors moi je voudrais rebondir sur ce qui vient d'être dit, que je trouve très intéressant, parce que moi j'ai remarqué justement que la poésie se glisse aussi dans mon quotidien, dans mes voyages. Non, parce que moi je suis pas snob, je pense qu'il faut être tolérant, et je fais partie des gens qui pensent qu'il peut y avoir une certaine poésie, même dans les guides de voyage. Enfin bon, pour ceux qui sont bien écrits, mais j'ai remarqué que la poésie, elle irrigue mon imaginaire, elle transforme mon rapport au monde et qu'elle m'invite souvent à prendre du recul. J'ai même remarqué qu'elle cultivait ma sensibilité. Je me dis aussi que c'est grâce à elle que je suis attentif aux autres, à l'environnement, aux grands enjeux de société par exemple. Mais en même temps, tout ça me fatigue parfois et je me demandais si vous aviez une piste de réponse quand je m'endors pendant la performance d'un ami poète par exemple et que je suis dans son champ de vision. Qu'est-ce que je dois lui répondre s'il me demande plus tard si j'ai dormi pendant sa performance ? Alors, d'abord, positiver la situation, qui peut être une bonne occasion d'intégrer une leçon importante de contre-culture psychique. Apprendre à dire « peut-être ». Dans ce genre de cas, il faut pousser l'hésitation jusqu'à remplacer la question par un problème qui élabore des articulations non exclusives. Tout d'abord parce que répondre « non » pourrait vouloir dire « non » bien sûr, mais aussi « on en reparle plus tard » ou « je préfère ne pas y penser ». De même d'ailleurs que répondre « oui » pourrait vouloir dire aussi « ça dépend de ce que t'appelles dormir ». Attention quand même, ou c'est mon petit jardin secret. C'est-à-dire qu'une réponse franche n'empêche pas, de temps à autre, des combinaisons variables, des nuances ultérieures, voire des volte-face de part et d'autre et entre les deux. Et c'est pourquoi nous pensons que l'ambition d'apprendre à dire « peut-être » permet de rétrocéder ce que nous sommes aux actes qui nous engendrent, c'est-à-dire de remonter par suspension à ce qui pourrait nous constituer. Mais ce flottement n'a qu'une durée limitée. Nous sommes inévitablement amenés à pencher d'un côté ou de l'autre. La culture contre-psychique préfère parler de clinamen post-intermittent, ce qui n'est pas une coquetterie de langage parce que notre suspension a vocation à devenir un choix en creux incurvé, si bien que l'alternative finit toujours par se modifier, même légèrement, parfois imperceptiblement, et le vacillement, s'il finit bien toujours par s'interrompre, redessine dans son épuisement les contours du dilemme. Un bon peut-être et donc un peut-être fatigué qui en vient à dire oui ou non de manière si floue que cela équivaut à une sorte de bâillement. Je m'endors, je suis dans l'aléa et l'aléa me remplit. Je fais confiance à l'aléa et l'aléa me le rend. Moi aussi, tu sais, je fais confiance à l'aléa. Et l'aléa m'en rend un peu aussi. Mais il m'en a rendu plus qu'à toi. Non, je m'endors et l'aléa est généreux. Plus je le dis et le répète, plus il m'en donne. Mais moins j'en ai en moi, moi deviens trop moi. Oui, plus tu crois dans l'aléa, moins tu programmes tes profits et tu donnes à l'aléa de quoi t'en redonner davantage. Facile à dire. Mais moins tu en donnes toi, moins c'est toi qui reçois. Tu es dans l'aléa. Tu fais confiance à l'aléa. et l'aléa te le rend. L'aléa est là pour toi, et l'aléa te remplit d'aléa. C'est pour l'aléa de toi que l'aléa est là, le demi-temps d'une résonance d'aléa qui se cache. Et l'aléa est dans l'aléa, plein de toi et de moi. Mais cela se fit-il pour toi, un demi-aléa de moi ? Et si tu mets du nez dans ta voix, et si tu mets du bleu dans le nez de ta voix, tu as déjà du vert dans l'autre narine dans ta voix ronde. Plus je me répète que je suis dans l'aléa, plus l'aléa risque de ne plus être très aléa. Tous ceux qui moulent leur nez pour faire prothèse de leur voix peuvent se dispenser de la trouver, mais font toujours montre de la chercher. Et il y a là cet implant là dans l'aléa quand tu es là encore. Et le non-dit dans l'aléa. Là où ce n'est plus que les dents de et la l'aléa logique dans l'aléa. Encore de l'eau de là s'épuiser. Et le thermostat dans l'aléa. L'aléa, comment le composer. Et l'aléa poser, dans l'aléa. Déposer, reposer, disposer. La misère sexuelle est dans l'aléa. Douceur du trépas incertain de sa chute. Tes anciennes amours sont dans l'aléa. En aléa, perdre en détour, laisser là. Le développement est dans l'aléa. Nécessaire qui te laisse là. Composer, le capitalisme est dans déposer, l'aléa. Opposer le petit A qui braille l'aléa et c'est Saint-Valentin est dans l'aléa. Son trépas. Et l'aléa est dans le petit A. Là et disposé à même le double neveu de Freud est dans l'aléa. La froideur du hasard. La décroissance est dans l'aléa. Impitoyable. Toujours là. Vous êtes toi, ici et dans l'aléa. Dans l'au-delà. Tenter de terminer. Tiens dans ses baskets et dans l'aléa. Après redout du bas le. Vérifiez que vous êtes dans l'aléa. De la fortune. Allez voir ailleurs si vous êtes cueillir dans l'aléa. L'ouvert du dedans qui défait le trop fermé de l'entre-deux. Et si tu mets le capitalisme dans ton nez, et si tu mets des bulles dans le talent de ton nez, tu as déjà de l'aléa tout autour de nos narines. Oui, bonsoir. Alors, la semaine dernière, les escalators étaient en réparation. Et il y avait de grands panneaux où il était écrit « Mieux il marche, moins vous marchez ». Et là, je me suis dit, alors comme ça, ils veulent que je marche pour attendre le moment où les escalators remarcheront mieux pour que je marche moins. Je me suis même dit, plus ils marcheront moins mieux, mieux je marcherai plus. Du coup, en montant l'escalier, j'ai écrit un poème dans mon petit carnet. 3 ou 4 vers qui parlaient de moi en train de marcher et de penser, en train de me regarder, regardant le monde. Et quand je l'ai fait lire, tout le monde a cru que j'étais lyrique. Alors que j'ai l'impression d'avoir pris de la hauteur par rapport à la situation dans mon moi, et que je voulais surtout parler de l'en-soi, de n'importe quel autre moi. Du coup, je n'arrive toujours pas à savoir si mon poème était complètement raté, si les lectures étaient à côté, ou si c'est plutôt ma vie qui doit changer de modèle d'élévation. Alors dans ce cas précis, c'est pas si évident de positiver la situation. Mais souvenez-vous, quand vous étiez enfant, et que vous cherchiez à remonter un escalier mécanique qui descend, ou à descendre un escalier mécanique qui monte, ou à marcher à contresens sur un tapis roulant. Vous avez pu sentir, je crois, le plaisir particulier qu'il y a à prolonger le trajet en produisant du contre-courant. Tout simplement parce que vous jouissiez de la patience infinie que l'on peut avoir à rendre irréalisable l'expérience de l'arrivée. Et c'est vrai qu'au fond, il vous est bien égal que votre idée du monde soit conforme à la réalité. L'important est que vos relations avec cette dite réalité soient suffisamment troublées si vous en veniez à la mieux connaître. Quand on creuse, flotte, arpente, vole ou piétine, nos gesticulations s'évanouissent avant que leur rapport soit suffisamment formé en nous pour ne pas être submergé par ceux qu'éveillent déjà les gesticulations suivantes. Et cette impression enveloppe de sa liquidité, de son fondu, les motifs qui par instant en émergent, à peine discernables, pour plonger aussitôt et disparaître, connus de nous seulement par leurs effets. Impossible à décrire ou à nommer. La mémoire est comme une sorte d'hamster saumon qui travaille à mouliner des roues durables au milieu des flots. Elle les irrite, puis elle les confond. Elle a un tel empire sur les sens qu'elle y répand presque toujours le trouble. pour le hamster comme pour le saumon ou même la roue, il y a ce vertige délicieux à ne pas savoir s'il existe une fin à la rumination. Et ça, tout le monde peut en faire l'expérience. Alors j'imagine un fil accroché à la partie la plus embuée de mon cerveau, tout en passant l'index du haut de l'oreille, et qui s'étend sur des centaines au niveau de l'hélix et des centaines de milliers de kilomètres vers le bas jusqu'au lobule, jusqu'à me relier à la planète Saturne, puis de bas en haut la grande gazeuse avec je ses tempêtes, ralentis le mouvement ses pluies de diamants, de l'allée et venue ses anneaux de glace et de carbone, et continue sans jamais cesser de ralentir, je prends le temps de ressentir jusqu'à atteindre un point de non-retour profondeur que la partie embuée de mon cerveau dans commence occasionnée à faire un petit trajet. En tenant le point où se trouve alors mon index, sous l'effet de l'attraction saturnienne, je sens, pour responsable de ma lassitude s'amorcer extrême, un léger déplacement qui me malaxe tout entier. Histoire de me donner la chance de changer radicalement. J'imagine maintenant un fil qui le part du cours de mes expériences esthétiques, le moins motivé de mon cerveau. Je frictionne ce point, je refais ensuite la même chose avec l'autre oreille. Et je savoure maintenant la collision entre la partie je constate embuée de mon cerveau, en voulant revivre une expérience exactement similaire, désormais bien pétrie, je ne me laisse pas et surprendre. Le coin, si peu mon motivé, index a beau faire semblant de ne penser à rien, qui s'est déplacé vers une zone je m'enfonce inconnue mais dans une divagation agréable, digitale hyper consciente qui me porte à me caresser les deux lobes. Surtout, je prends le temps nécessaire pour constater que cette les soulever légèrement condition n'occasionne aucune révélation apprécier importante. La modification du spectre des fréquences. Je me sens bien. Comme si les bas médiums s'arrondissaient pour se faire plus casanier. Je flotte. À présent, je peux écouter le quatrième problème. Oui, rebonsoir, c'est encore moi. Alors, je vous remercie de me redonner la parole, parce que voilà, je vous écoute depuis tout à l'heure et je voulais pousser un petit coup de gueule, parce qu'en gros, j'ai quand même un peu l'impression que là, on fait comme si on pouvait pas s'améliorer, on médite, on fuit comme ça dans le cosmos, alors que moi, je cherche tout le temps, toujours, comment je pourrais aller vers la meilleure version de mon poème, et donc je me dis... D'abord, bah, il faut que tu cherches la meilleure version de vraiment toi-même, puisque c'est elle qui pourra écrire le poème qui fera naître les plus beaux retours. Après, je ne sais pas sur quels critères m'améliorer, parce que si je choisis, par exemple, la meilleure version de vraiment moi-même sur les critères de ceux qui m'aiment vraiment, est-ce que je ne risque pas de manquer un peu de spontanéité, donc d'élan dans le choix de la meilleure version de mon poème qui pourrait devenir une sorte de miroir des autres? Alors, c'est vrai qu'on touche là à un vrai problème. Pour résumer, d'abord, si la meilleure version de vous-même est trop bien pour la version actuelle des gens qui vous aiment vraiment, se pose la question de savoir si vous devez leur imposer cette version si humiliante pour là où en sont leurs retours, et donc par miroir, pas si reluisante pour vous, ou bien si vous devez plutôt vous adapter à l'image que vous projetez de la version souhaitable et redoutable qu'ils idéalisent. Dans les deux cas, se fier à telle ou telle version de n'importe lequel de vos amis poètes vous amène systématiquement à renoncer à tout progrès. D'où la version simplifiée du problème que nous vous proposons de répéter intérieurement. Est-ce vraiment la meilleure version des gens qui m'aiment vraiment, qui aiment vraiment la meilleure version de moi et mon poème? Ceux qui me poussent à l'amélioration m'aiment-ils en l'état? Et qui parmi eux me restera-t-il à aimer quand tout le monde aura compris que l'addition de toutes ces versions n'aura finalement qu'embrouillé le désir de mieux me faire moi-moi? Mais la roue tourne. Et lorsque vous faites demi-tour, l'obscurité a suffisamment gagné de terrain pour que vos doutes se confondent avec vos envies et vos espoirs. Il y a toujours assez de jeu entre votre curiosité et cela d'inaccessible à quoi vous revenez constamment pour que la boucle prenne un peu d'ampleur. Mais reste à savoir si le temps que la roue mettra à faire un tour supplémentaire pourra coïncider avec le temps qu'il vous reste à tourner.